Pourquoi les peines de cœur font si mal, mettent autant de temps pour s'effacer? Pourquoi aime-t-on autant se remémorer les bons moments qui défient tant bien que mal, comme pour ne pas oublier une partie de notre passé qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui? Des âmes éplorées, mais reste en nous l'amour qui continue à perdurer de jour comme de nuit. Alors que l'on sait que c'est fini entre nous pour toujours, l'on croit que reste un espoir, comme pour croire que cela peut encore recommencer. Mais faut croire que notre histoire est encore chaude pour espérer. Je ne t'oublierai jamais, toi. Tu resteras jamais en moi. Je ne t'oublierai jamais, toi. Parce que je sais que notre histoire s'effacera. Je ne t'oublierai jamais, toi. Tu resteras jamais en moi. Je ne t'oublierai jamais, toi. Parce que je sais que notre histoire s'effacera. Laisser le temps au temps pour s'écouler, pour pouvoir cicatriser la plaie de notre passé, pour combler le manque de notre union, pour oublier les je t'aime de notre relation qui fut répétée si souvent que l'on a du mal à s'en défaire dès à présent. Mais cela reviendra avec une autre personne qui remplacera le vide de cette peine de cœur, pour renaître en amour et donner à nouveau l'amour envers l'autre instant si beau, qui effacera les peines et les malheurs de notre parcours en route vers le bonheur, de reconstruire une histoire en étant deux, pour partager ces instants si merveilleux, d'aimer à nouveau c'est si délicieux. Je ne t'oublierai jamais, toi. Tu resteras jamais en moi. Je ne t'oublierai jamais, toi. Parce que je sais que notre histoire s'effacera. Je ne t'oublierai jamais, toi. Tu resteras jamais en moi. Je ne t'oublierai jamais, toi. Parce que je sais que notre histoire s'effacera.